Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Sergio Leone, le père du western spaghetti. Bien, moi, les westerns, c'est comme une proteste, parce que je pense que pour arriver à dire les choses, la forme meilleure, c'est de choisir les moyens plus populaires. Et moi, je considère le western une des moyens plus populaires, parce que maintenant, il appartient plus à les Américains, il appartient à tout le monde. Pourquoi Sergio Leone, cet enfant du cinéma italien, décide-t-il de se tourner vers le western? Parce que c'est un cinéma populaire qui appartient à tout le monde et qui permet d'atteindre le plus grand nombre de spectateurs, nous dit dans cet extrait Sergio Leone, extrait du Carnet des arts et des lettres du 6 février 1975. Le cinéma de Sergio Leone saura effectivement rejoindre un très large public et ce cinéma qui réinvente le western sera aussi marqué toute une génération de cinéphiles. Le cinéma de Leone, c'est un cinéma tourné vers la mais ce portrait qu'il en fait reste toujours profondément empreint de sa sensibilité d'Italien. T'aurais pas vu une moitié de cigare? Un blondin, très grand, et qui parle peu. Mais on est seuls, toi et moi. J'ai que toi et tu n'as que moi. À deux, vous irez encore plus vite. Creusez. Extrait de la bande-annonce du film Le Bon, la Brute et le Truand de Sergio Leone. Pour nous parler du cinéma de Sergio Leone, je reçois Hélène Faradji, animatrice de Plein Écran, un balado de Radio-Canada et dîmestre de la section cinéma également de notre site web. Hélène Faradji, bonjour. Bonjour. Comment décrire en quelques mots, juste pour qu'on comprenne bien à qui on a affaire, cette carrière de Sergio Leone? D'abord, c'est une carrière assez courte. On parle de 7 films entre 61 et 84, mais des films extrêmement marquants parce que plein de panache, plein de flamboyance, qui se sont réappropriés le western, donc un genre fondamentalement américain, mais effectivement avec une sensibilité peut-être plus opératique, italienne, un peu plus flamboyante, un peu plus folle, et qui a véritablement marqué les esprits, en tout cas l'imaginaire, autant cinéphile que quotidien mondial. Je parlais il y a un instant de Sergio Leone comme d'un enfant du cinéma italien. C'est vraiment littéralement le cas. Littéralement, oui, tout à fait, parce que c'est le fils, en fait, d'un réalisateur italien qui s'appelle Vincenzo Leone, qui a fait un des premiers westerns italiens d'ailleurs, muet, en 1913. Le père va avoir une carrière un petit peu difficile dès que Mussolini arrive au pouvoir, mais effectivement, Leone va apprendre sur le tas, j'ai envie de dire, auprès de son père, la technique du cinéma, comment ça se passe sur les plateaux, etc. Ceci sans mentionner que sa mère était une actrice de cinéma. Ouais. Donc, un enfant de la balle, littéralement. Et qui va donc, il était prédestiné, qui va se tourner naturellement, tout naturellement, lui-même, vers les métiers du cinéma. Tout à fait. Alors, ce qui est amusant, c'est que ses parents ne voulaient pas qu'il fasse du cinéma. Donc, il a commencé par faire des études en droit, mais qui ont duré à peine quelques mois. Et il a vite rejoint les plateaux de cinéma, en particulier Cinecittà, donc cette espèce d'usine à films italienne où se produisait énormément de longs métrages. Autant américain qu'italien d'ailleurs, et il va devenir très vite assistant réalisateur. Autant sur des films italiens que sur des gros films américains. Et évidemment, une des anecdotes les plus célèbres, c'est qu'il a été l'assistant réalisateur de Wyler sur Ben-Hur. Et c'est lui, Sergio Leone, qui a dirigé la fameuse course de chars. Ouais, la fameuse. C'est une scène célèbre. Comment en vient-il à s'intéresser un peu plus tard au western? On l'écoute en parler à Lise Payette à l'émission Appelez-moi Lise en 1974. De le western, pas de le western spaghetti. Est-ce que ça vous vexe qu'on dise western spaghetti? Non, ça ne me gêne pas du tout parce que j'aime beaucoup les spaghettis surtout. Je suis complètement ravi de ce titre. Mais je dis une chose. Moi, quand j'ai eu l'idée de faire mon premier film, justement, je réfléchis sur une situation. Je voyais que nous, en Italie, pour exemple, à l'époque, nous faisions beaucoup de peplum. Ça veut dire celui-là que vous appelez peplum, le film de l'ancien Rome. Et nous étions italiennes, avec derrière les pots toute une tradition romaine et tout ça. Et il est arrivé un metteur en scène qui s'appelle Kubrick, qui a fait un film qui s'appelle Spartacus, beaucoup mieux de nous. Alors je me suis dit, ça va la peine d'exploiter aussi dans le West, parce que je voyais qu'à part Ford, à part beaucoup, pas beaucoup, très rares metteurs en scène américains, on n'avait pas essayé jusqu'au bout cette formidable monde du Western. Ah, pourquoi le western, on y revient, Hélène Faradji? Et qu'est-ce qui intéresse Sergio Leone dans le western? Mais je pense qu'avant d'être italien ou américain ou peu importe, c'est surtout un cinéphile, Sergio Leone. Et ce qui l'intéresse profondément, c'est le cinéma. Et effectivement, le cinéma américain, parce que le cinéma américain de cette époque a cette emprise mondiale assez marquée. Et on va le voir dès le début. En fait, ce qui est drôle, c'est que Sergio Leone commence par faire un péplum. Son tout premier film, c'est Le Colosse de Rhodes. C'est un péplum. Les studios lui demandent un petit peu de faire ses preuves, de s'inscrire dans la grande tradition du moment. Il le fait, mais ça lui convient pas tant que ça. Et donc, dès qu'on lui donne l'occasion d'avoir un petit peu plus carte blanche, il la saisit et son premier vrai film, j'ai envie de dire, ça va être Pour une poignée de dollars. Et ses références au cinéma américain sont immédiates. Il voulait d'abord Henry Fonda comme acteur principal. Henry Fonda a refusé. Il voulait James Coburn qui était trop cher. Finalement, il a récupéré Clint Eastwood qui, à l'époque, est un acteur de série télé, hein, une série télé western qui s'appelle Rawhide, que personne connaît ou presque. Donc ça prouve à quel point il était intéressé par ce qui se passait aux États-Unis dans la culture américaine. Il va travailler à peu près qu'avec des acteurs américains, d'ailleurs. Absolument. Et ce qui est intéressant, c'est que au générique de ce premier film, enfin de ce deuxième film plutôt, de Pour une poignée de dollars, il n'apparaît pas sous le nom Sergio Leone. Il apparaît sous le nom Bob Robertson. Et son compositeur, Ennio Morricone, va apparaître sous le nom Leo Nichols. Donc tous les deux avaient cette envie d'apparaître comme des Américains d'une certaine façon, mais en même temps en pervertissant le genre fondamental du cinéma américain qui est le western. En le réinventant, ce western, en jouant un peu avec ses codes, en l'amenant plus loin, il le laisse entendre dans l'extrait qu'on entendait à l'émission de Lise Payette. Et très vite, ce western réinventé, on va lui accoler cette étiquette de western spaghetti. On écoute l'essayiste André Bello nous parler de ce cinéma de Leone, de ces western spaghetti, de quelle manière on peut définir tout ça. Extrait de l'émission Document du 26 février 1974. Tout le monde parle de Leone présentement. Tout le monde parle de ses films somptueux, n'est-ce pas? Quelqu'un qui a aimé le western toute sa vie, devant les films de Leone, ne peut que ressentir d'une part une joie profonde, parce que là, il y a une sorte de concentration, on l'a tous dit, des moments les plus beaux et les plus riches de tous les westerns que nous avons vus. En même temps, on ne peut pas, je pense, ne pas avoir un sentiment de tristesse, comme devant toute œuvre qui, au fond, manifeste à la fois son apogée et sa mort. Parce que c'est la preuve que le western est fini, les films de Leone. On ne peut pas avoir cette distance vis-à-vis le western, pas seulement le réalisateur, mais le spectateur, sans être obligé d'enregistrer le fait que c'est terminé. Et c'est le paradoxe du film de Leone, des films de Leone. Ce sont des films qui ont un parfum de mort dans leur beauté. Vous dites d'ailleurs, Hélène Faradji, probablement que ça rejoint ce qu'André Bello décrit quand il parle du cinéma de Leone, vous dites que c'est un cinéma du pessimisme, le cinéma de Leone. Oui, tout à fait. Et c'est très intéressant l'extrait qu'on vient d'entendre, parce que Leone en avait parfaitement conscience d'arriver à un espèce de moment charnière où il sauvait le western, parce qu'on était sur la fin du western américain, mais en même temps, c'était un dernier coup d'éclat. Il va dire, par exemple, John Ford avait commencé une certaine rue et moi, je crois l'avoir terminée. Il a bien conscience qu'il arrive à la fin de quelque chose. Et effectivement, quand on regarde ces films en ayant ça en tête, on se rend compte qu'il y a une dose de pessimisme énorme dans le cinéma de Léoné, que ce soit dans la façon dont il parle de la guerre, des révolutions, dont il va montrer ses personnages comme étant des gens qui ne croient plus en rien, ouais. qui ont connu beaucoup de désillusions. La guerre devient quelque chose de complètement absurde. Il n'y a plus de bien et de mal comme traditionnellement dans le western américain. Donc il y a vraiment, c'est des films qui sont hantés par la mort, en particulier Il était une fois dans l'Ouest, où vraiment on voit ce passage du Far West vers la civilisation, et le choix qui est laissé au personnage, c'est s'adapter ou mourir. Donc vraiment, c'est un cinéma qui est à la fois flamboyant, mais marqué par l'idée de la mort. Ouais. Et je reviens à cette étiquette, cette particularité au fond, cette étiquette de Western Spaghetti. Qu'est-ce qui la définit? Qu'est-ce qui caractérise ce cinéma de Léoné? Alors en fait, c'est une expression de journaliste qui, au départ, était assez péjorative. On a dit c'est du Western Spaghetti parce que c'était pas du bon vieux Western où on pouvait clairement identifier les gentils, les méchants. Dans les Westerns de Sergio Leone, c'est l'ambiguïté morale, c'est l'absence de justification aux gestes extrêmement violents qui sont posés. Donc, il y avait une amoralité qui a donné le nom Western Spaghetti, que Léoné tout à l'heure disait « Oh, je suis à l'aise avec le terme ». Il ne l'était pas tant que ça. Il n'aimait pas trop. Non, il n'aimait pas trop. Il était beau joueur chez les Exactement, spaghettes. Exactement. Ouais. Mais dans le fond, ce que ça veut dire ou ce que ça représente, c'est surtout un western qui va au bout de ses possibilités formelles. Donc avec un style extrêmement affirmé, que ce soit les gros plans, les découpages dans l'image, par exemple ces gros plans de yeux, de ceinture, de bottes, les silences aussi qui sont utilisés de façon extrêmement expressive dans le cinéma de Léoné, la violence qui est outrée, l'hyper-réalisme, c'est-à-dire qu'on est dans un cinéma qui est à la fois très stylisé, mais en même temps hyper-réaliste. On sent le sable, la sueur, la saleté, c'est très présent dans l'image. Il y a quelque chose de très concret, de très, presque de charnel dans la façon qu'il a de filmer. Et effectivement, c'est comme s'il poussait tous les archétypes du western à leur limite, à leur dernière possibilité de signifier. Donc en les emmenant vraiment au bout de ce qu'on peut montrer et représenter. Ça va commencer, ces western spaghetti, par cette trilogie, la trilogie des dollars, ce qu'on va appeler la trilogie des dollars. Trois films, en fait, en trois ans, pour une poignée de dollars. Ce sera suivi, donc, et pour quelques dollars de plus, et puis du Bon, de la Brute et du Truand. Pourquoi une trilogie? Comment se construit cette trilogie? Comment est-ce qu'on parle ces trois films, Hélène Faradji? Alors, c'est un petit peu difficile parce que ce n'est pas une trilogie officielle. Ouais. En fait, pour la petite histoire, par exemple, bon, pour une poignée, c'est le premier. Le second, c'est pour quelques dollars de plus. Et s'il a pris ce titre-là, c'est parce que, en fait, le premier avait été plagié sur un film de Kurosawa. Et Sergio Leone a perdu le procès. Et donc, n'a pas été payé par les producteurs. Et comme un pied de nez, il a choisi le titre du film suivant, qui était « Pour quelques dollars de plus, je vais les avoir, enfin, mes dollars ». Donc, bon, au-delà de ça, effectivement, l'effet d'unité, il vient d'abord d'un personnage qui est l'homme sans nom, joué par Clint Eastwood, un personnage extrêmement fort dans le cinéma de Léoné, et même dans l'imaginaire cinéphile mondial ensuite. C'est-à-dire ce type de cow-boy taiseux, taciturne, moralement très très ambigu, qui suit d'abord et avant tout ses intérêts, et qu'on va retrouver dans les trois films, qui n'aura pas la même fonction. Donc c'est pas tout à fait le même personnage, mais c'est le même acteur, c'est le même habillement, avec son poncho, son cigarillo, ses bottes de cow-boy. Donc il y a cette unité-là d'abord par ce personnage-là et par le style, effectivement, qui va être raffiné dans ces trois films-là jusqu'au Bon, la Brute et le Truand, où ça devient presque une explosion de style. C'est comme si les deux premiers avaient préparé au Bon. Et puis il y aura la suite. La suite, c'est à la fois ce que beaucoup considèrent comme son chef-d'œuvre, Il était une fois dans l'Ouest, et puis ce sera le début, mais on y reviendra, d'une deuxième trilogie qui, elle non plus, n'en est pas vraiment une, trilogie sur l'histoire de l'Amérique, parce qu'il y aura un film sur la Révolution mexicaine, Il était une fois la Révolution qui suivra, puis pas mal de temps plus tard... Il était une fois l'Amérique. Mais un mot quand même sur Il était une fois dans l'Ouest, le début de cette deuxième trilogie. Pourquoi c'est considéré par autant de monde comme le grand film de Sergio Leone? Peut-être parce que c'est le plus profond, le plus mélancolique, le plus pessimiste. C'est un film dans lequel on a cinq personnages, dont une femme d'ailleurs, ce qui n'était pas très fréquent dans le cinéma de Leone à l'époque, en tout cas dans les personnages principaux, c'est Claudia Cardinale. On a Henri Fonda, Et Charles Bronson qui reprend le rôle d'une certaine façon de Clint Eastwood parce que Clint Eastwood ne voulait plus continuer sa carrière avec Léoné. C'est peut-être son film le plus dense. C'est-à-dire que si dans les trois premiers, on pouvait avoir l'impression que c'était surtout un styliste, un esthète, quelqu'un qui travaillait beaucoup, beaucoup la forme, dans celui-ci, dans Il était une fois dans l'Ouest, on a l'impression qu'il raconte aussi une histoire qui dépasse celle de ses simples personnages et qui est effectivement celle de la fondation de l'Amérique, des illusions, de la violence qui a présidé à la naissance de l'Amérique ou en tout cas de la civilisation américaine. Ouais. Et ça fait qu'il va... Et c'est là où il y a peut-être une deuxième trilogie, encore une fois plus ou moins officielle ou formelle, mais cet intérêt pour l'Amérique. Et Il était une fois dans l'Ouest, la fondation de l'Amérique, vous nous le disiez à l'instant, suivi de ce film sur la Révolution mexicaine, ouais. Il était une fois la Révolution, et puis Il était une fois l'Amérique, c'est l'immigration italienne en Amérique. Qu'est-ce qui l'intéresse tant dans l'histoire de l'Amérique? Je pense que c'est d'abord et avant tout le cinéma américain qui l'intéresse. Ouais. Je pense que c'est un lien très très fort. D'ailleurs, il va dire à propos de Il était une fois en Amérique, c'est une biographie à deux niveaux, celle de ma vie personnelle et de ma vie de spectateur de cinéma hollywoodien. Donc c'est son rapport à l'Amérique est d'abord et avant tout un rapport d'image, un rapport cinéphile. Et c'est vrai que dans ces trois films-là, on peut voir d'abord, bon, évidemment, le western qui a pu l'influencer à ce point-là, mais aussi dans le dernier, dans Une Amérique, les films de gangsters, les films de prohibition, qui ont aussi beaucoup marqué l'histoire du cinéma américain. Donc, je pense que ce qui l'intéresse, c'est comment le cinéma américain a mis en image son propre pays. Ouais. Ce qui a peut-être été moins fait en Italie, donc... Peut-être qu'il a voulu aussi, à sa façon, s'inscrire dans ce courant-là. La touche italienne, je disais au début de l'émission, c'est le cinéma de Léoné, c'est un portrait de l'Amérique, mais avec cette sensibilité italienne, qu'est-ce qui reste de ça? Est-ce que ces films sont d'abord américains, italiens? Qu'est-ce qui est profondément américain dans son cinéma? Qu'est-ce qui est profondément italien dans son cinéma? Ce qui est profondément américain, c'est les images qu'il utilise, les archétypes qu'il utilise. Donc effectivement, le cow-boy, le désert, le Far West, tout ça, c'est des images qu'on identifie naturellement à l'Amérique, mais que lui va traiter avec une sensibilité italienne qui vient peut-être de l'opéra ou qui vient en tout cas d'une dimension artistique plus établie. C'est-à-dire que le western traditionnel américain, c'est pas un grand genre stylistique. Oui. Léoné, lui, va le styliser beaucoup, énormément, et va le faire avec une flamboyance qu'on va retrouver chez tous les cinéastes italo-américains par la suite. C'est-à-dire cette façon d'être plus grand que nature, quand il y a une blessure, on voit le sang qui jaillit, qui explose. On voit les sentiments qui sont exaltés aussi. Le cinéma de Léoné est très mélo. Il n'en a pas l'air comme ça, mais surtout, Il était une fois en Amérique. C'est un cinéma de l'émotion d'abord et avant tout. Ouais. Puis vous parlez d'opéra. Qui dit opéra dit musique. Et ça, ce sera très, très important dans le cinéma de Léoné, la musique. Et ce sera l'affaire d'un seul compositeur dans tous ses films, Ennio Morricone. Pour moi, la musique, ça fait un peu, si vous voulez, la partie du dialogue. Je cherche, à travers la musique, de donner des émotions. Un film a due parametri di... Il y a deux façons de recevoir un film au spectateur, la vue et l'ouïe. La vue représente 50%, l'ouïe, l'autre 50%. Quello che riguarda l'organo dell'udito rappresenta per me il 50%, quello riguarda l'organo della vista l'altro 50%. Ora, i metodi di lavoro, io comincio a lavorare, è sempre lo stesso. Pour la méthode, je commence à travailler. Sergio me raconte l'histoire, me montre ou m'indique les cadrages. Il fait toute la mise en scène pour moi. Et connaissant son style, je sais bien comment sera filmée la séquence. Je commence à écrire la musique, lui me dit non. Et je continue à écrire et lui continue à dire non. Et comme ça, on avance un bon moment jusqu'à ce qu'il dise enfin oui. Léoné, Morricone, c'est vraiment deux géants qui se rencontrent et qui travaillent ensemble et ça donne ce qu'on vient d'entendre et ce qu'on peut voir quand on voit les films de Léoné. Quelle importance va avoir la musique? Oh, essentiel, essentiel. Vraiment, même Léoné disait de Morricone que c'était plus que son musicien, c'était son scénariste. Ouais. Effectivement, quand on regarde les films, la musique vient presque remplacer les dialogues par moment. Elle agit pour soit présenter, soit annoncer la venue d'un personnage. Elle est extrêmement présente, elle est presque un personnage à elle-même. À l'époque, il faut savoir que dans le cinéma, la musique était plus orchestrale. Une des grandes nouveautés d'Ennio Morricone, c'est d'avoir utilisé les guitares électriques et les percussions. Donc de créer une musique qui était viscérale, qui était justement, comme le style de Léoné, extrêmement physique, concrète, charnelle. Et ça, c'était très marquant pour les spectateurs de l'époque, d'autant plus par la place que lui laissait Léoné, c'est-à-dire de quasiment faire le film, de remplacer certains moments qui normalement auraient été dialogués. Ouais. Il va faire, vous le disiez, peu de films. Sept films comme réalisateur, là, Sergio Leone. Ouais. Pourtant, il va avoir une influence considérable dans le cinéma mondial, j'allais dire dans le cinéma américain. C'est peut-être un beau lapsus révélateur. Mais enfin, pourquoi une telle influence? Une telle influence, je pense d'abord parce que c'est un grand créateur de formes. Et qu'en général, les cinéastes marquants, c'est des créateurs de formes. Si on pense à Hitchcock, à Kubrick, même à Chaplin, c'est des gens qui ont marqué l'imaginaire cinéphile mondial en créant des aspects visuels tellement marquants qu'on ne pouvait pas les oublier. C'est le cas avec Sergio Leone. C'est-à-dire, on voit un film de Sergio Leone, on sait immédiatement que c'est lui qui réalise. Et l'influence qu'il a pu avoir, elle est considérable. Tous ceux qui, depuis les années 80, ont expérimenté sur la forme, ce sont des héritiers de Sergio Leone. On peut évidemment penser aux grands italo-américains, que ce soit Martin Scorsese, Coppola, Peckinpah aussi un peu, Tarantino est peut-être un des héritiers les plus remarquables de Sergio Leone. Si on extrapole cette logique-là, Xavier Dolan en serait un aussi. C'est-à-dire, c'est des gens qui conçoivent le cinéma comme un outil visuel. Pas seulement une histoire qu'on raconte, mais un outil où tout doit s'agencer, c'est-à-dire le jeu des acteurs, la musique, le style qu'on va utiliser, les couleurs qu'on va utiliser, qui sont très présentes aussi dans le cinéma de Sergio Leone. Donc, effectivement, tous ces cinéastes-là plus formels, ou certains vont dire formalistes, mais ce sont des héritiers de Sergio Leone. Hélène Faradji, c'était passionnant. Merci beaucoup. Merci. Hélène Faradji est dimestre de la section cinéma Radio-Canada et animatrice du balado Plein Écran. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. Thank you.